500 000, peut-être même 1 million de morts. Un véritable génocide au cœur de l'Afrique. Des femmes, des enfants, des hommes tués à coups de machette ou des rafales de fusils d'assaut. Les cadavres jonchant les rues des villes et des villages. Et ensuite, ces cortèges interminables de fuyards, têtes basses, regards apeurés. Parmi eux, il y avait des assassins. Ceux qui avaient massacré leurs voisins, leurs collègues. Des images qui n'ont que 7 ans. Seulement 7 ans, mais ces images sont déjà brouillées, jaunies. Qui s'intéresse encore vraiment au lointain Rwanda? Et pourtant, me disait Monsieur X la semaine passée, au cours de la première partie de cet entretien, nous, Français, devrions être concernés au premier chef par l'affaire rwandaise. Les soldats, les miliciens, les assassins des escadrons de la mort ont en effet pour la plupart été formés et armés par la France, par des militaires français. C'est en 1990 que la France intervient pour la première fois au Rwanda. Sollicité par le président Hutu, Abia Rimana, qui doit faire face à une offensive Tutsi appuyée par l'Ouganda voisin, le président Mitterrand décide de venir à son secours. Ce sera l'opération Norwa. On comptera jusqu'à 700 militaires français au Rwanda. Notre pays a choisi clairement de soutenir les Hutus majoritaires, parmi lesquels certains, les plus extrémistes, appellent à l'extermination des Tutsis. Cet appui de l'Élysée, puis du gouvernement de cohabitation, vaudra même à messieurs Mitterrand et Balladur d'être qualifiés de Hutus blancs par certains Rwandais. 4 ans plus tard, malgré un accord politique signé entre les deux ethnies, le pays est au bord de l'explosion. Le président Habyarimana est accusé par son propre camp d'avoir capitulé devant les Tutsis du FPR, le Front Patriotique Rwandais. Les observateurs les plus lucides prédisent un véritable génocide. Le gros de nos troupes est alors reparti, laissant la place à des casques bleus de l'ONU. Mais des conseillers militaires français demeurent dans le pays et des livraisons clandestines d'armes continuent à approvisionner le camp Hutu. Le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais est abattu par un missile alors qu'il allait atterrir à Kigali, la capitale. Tout de suite après, le massacre des Tutsis commence. Pour M. X, il paraît évident que le génocide était programmé. L'attentat contre le président Habyarimana est donc le signal qui déclenche le génocide. Mais le complot est plus ancien. Comment pouvez-vous l'affirmer? Je vous l'ai déjà dit, le fait que le génocide ait commencé aussi rapidement montre bien qu'il n'était nullement spontané. Mais il y a bien plus curieux. Kangura était un journal rwandais à la solde des Hutus les plus fanatiques. C'est-à-dire les plus déterminés à liquider tous les Tutsis, c'est ça? Ils n'hésitaient pas à l'écrire. Ce journal était un torchon suant la haine. Or, en décembre 1993, 4 mois donc avant la mort de Habyarimana, son rédacteur en chef prédit que le président rwandais mourra avant le mois de mars 1994. Troublant, non? Mais ce journaliste donne des précisions, non? Il affirme que Habyarimana sera tué par un Hutu à la solde des Tutsis. Visiblement, il essaie de donner le change. Il ne peut pas livrer toutes les informations qu'il possède, mais un mois plus tard, il ajoute une autre prédiction. D'après lui, la guerre va reprendre. Il faudra massacrer avant d'être massacré et beaucoup de sang sera versé. C'est l'annonce du futur génocide, quoi. Ça y ressemble, en tous les cas. Autre indice étonnant. Le commentateur de la sinistre radio des Mille Collines, aussi appelé Radio Machette, annonce le 3 avril... 3 avril, c'est-à-dire 3 jours avant l'attentat. Oui, donc, ce journaliste annonce que les 4 et 5 avril, les esprits vont s'échauffer. Le 6, il se produira quelque chose. Et les 7 et 8 avril, on assistera à des événements importants. Selon vous, donc, il prédit la mort du président et le génocide, c'est ça? Ça me paraît clair. Or, n'oublions pas, Radio Machette est la radio des extrémistes Hutus. C'est elle qui, pendant le génocide, ne cessera d'appeler ses auditeurs à massacrer les Tutsis. Ça signifie donc que ces extrémistes étaient peut-être les auteurs de ce complot, enfin, tout le moins qu'ils en connaissaient parfaitement le schéma. Forcément. Je peux ajouter que tout était prêt depuis des semaines. Ces mêmes hommes, avec la complicité de l'armée rwandaise et du parti du président, avaient dressé des listes de Tutsis et de Hutus modérés. Des listes de gens à liquider? Bien sûr, tout était prêt pour la solution finale. Bien, alors, revenons aux auteurs de l'attentat ou à leurs commanditaires. Si je vous ai bien compris, vous mettez en cause ces Hutus fanatiques qui accusent le président Habyarimana d'avoir cédé aux Tutsis du FR. Attendez, c'est pas si simple. Quand il y a un crime, il faut chercher le mobile. Mais ces Hutus avaient un mobile, non? C'est juste, mais ils n'étaient pas les seuls. Alors, qui d'autre? L'ennemi naturel de Habyarimana, c'était, si je puis dire, le FPR. C'est-à-dire les Tutsis? Bien évidemment. Oui, mais le récent accord conclu en Tanzanie... À Arusha, précisément. Oui, c'est ça. Donc cet accord était plutôt favorable aux Tutsis, puisque le FPR allait rentrer au gouvernement, même, vous dites. C'est exact. Mais on peut imaginer que les dirigeants du FPR en voulaient encore plus. Tout le pouvoir? Pourquoi pas? C'était déraisonnable, puisqu'ils étaient largement minoritaires dans le pays. Peut-être, mais le FPR avait aussi une bonne raison d'en vouloir à Habyarimana, qui, pendant de longues années, avait couvert et peut-être même encouragé personnellement les massacres de Tutsis. Oui, mais c'est justement l'assassinat de Habyarimana qui va être le point de départ de nouveaux massacres de Tutsis. Et leurs dirigeants connaissaient certainement la menace qui pesait sur la population Tutsi. Par conséquent, en tant qu'Habyarimana, ils prenaient le risque insensé de provoquer des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts parmi leur propre ethnie. Parfois, la soif du pouvoir fait perdre la raison et oublier les principes moraux les plus élémentaires. Je le sais très bien, mais je n'arrive pas à y croire, parce que les Tutsis, déjà fortement minoritaires, risquaient tout simplement d'être éliminés en totalité. C'était d'ailleurs la solution finale envisagée par les Hutus les plus ultras. Leur façon à eux de régler une fois pour toutes les questions ethniques. Alors, prenons les choses par un autre bout. Qui avait la possibilité matérielle de tirer un missile sur l'avion du président rwandais? C'est effectivement très intéressant. Les soldats du FPR étaient incontestablement capables de tirer un missile sol-air. Certains d'entre eux avaient été formés par des Américains. Les hommes de la CIA? Vraisemblablement. Ouais. Et possédaient-ils ces engins? Oui, même si après l'attentat, ils les ont démentis. Mais ce n'est pas la seule question. Il faut aussi savoir si les soldats du FPR auraient pu accéder à la zone d'où l'on a tiré le missile. Ouais, c'est-à-dire pas très loin de l'aéroport. Oui, alors cette zone était contrôlée par les forces armées rwandaises. Des Hutus, donc. Les Tutsis auraient dû donc infiltrer un commando dans un secteur hostile. Ça vous paraît impossible, ça? Non, rien n'est impossible à des gens déterminés et bien entraînés, mais reconnaissons que l'opération présentait quand même pas mal de difficultés. Donc vous n'y croyez pas? Pas trop. Alors, on revient à la piste Hutu. Oui, obligatoirement. Je vous pose la même question que précédemment. Est-ce que les Hutus formés par les Français, eux, étaient en mesure de tirer un missile? Tous les experts militaires qui se trouvaient sur place affirment que non. C'est-à-dire que les Hutus n'en avaient pas la capacité technique? Oui, c'est bien ce que je veux dire, mais ils auraient pu se faire aider. Ah oui, aider par qui alors? Ah, nous entrons là dans une zone pleine d'ombre, et on a émis les hypothèses les plus bizarres. Vous vous rappelez que je vous ai parlé du fameux capitaine Baril? Ah oui, le capitaine qui était devenu un des conseillers du président Habyarimana, c'est oui, ça? Mais, oui, eh bien, on a dit qu'il aurait pu donner un coup de main aux Hutus les plus ultras pour exécuter cet attentat. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un coup fourré, on le met en cause. On ne peut pas être corrigé. Ouais. En tout cas, s'il était le conseiller de Habyarimana, je ne vois pas pourquoi il aurait essayé de le tuer. Mais vous avez tout à fait raison. Et puis, n'oublions pas que le Falcon du président rwandais était piloté par 3 officiers français. J'imagine mal Baril mettre à mort 3 de ses pairs. Bon, la seule certitude au sujet de Baril, c'est qu'il était présent au Rwanda à l'époque. Non. Ce qui peut nous donner une indication plus fiable, c'est l'origine des 2 missiles qui ont été tirés. Alors, d'où venaient-ils? C'était vraisemblablement des SAM-16. SAM-16, c'est la fabrication soviétique, ça? Oui, mais ils auraient été récupérés par l'armée française lors de la guerre du Golfe. Prélevés sur les stocks irakiens? En effet. Ah, si on les retrouve au Rwanda, c'est que ce sont, vraisemblablement, des militaires français qui les ont convoyés? Ça me semble évident. Et ils ont pu faire partie de tous ces lots d'armes que nous avons livrés aux Rwandais? C'est juste. Mais je vous l'ai dit, les soldats de l'armée rwandaise ne semblaient pas capables de tirer ces missiles. Alors, allons plus loin. Des blancs ont été aperçus par plusieurs témoins dans un véhicule à proximité du lieu où ont été tirés les missiles. Or, ils avaient l'air très pressés. Comme s'ils voulaient quitter les lieux au plus vite? Oui. Ouais. Ils auraient donc pu être les tireurs de ces missiles? C'est très possible. Autre point qui n'a jamais été éclairci. 2 sous-officiers français appartenant au DAMI, c'est-à-dire le détachement à l'assistance militaire et à l'instruction. C'est-à-dire la coopération militaire entre les armées françaises et rwandaises. Oui, oui. Donc ces 2 hommes ont été assassinés tout de suite après l'attentat contre Habyarimana. Assassinés par qui? Mystère. Mais quel rapport entre ces 2 assassinats et notre affaire? Eh bien, une de vos consoeurs, une journaliste belge, a lancé un vrai pavé dans la mare, en prétendant que c'était justement des militaires du DAMI qui avaient tiré les missiles. Fin 1997, un petit livre intitulé de façon provocatrice « Rwanda, un génocide français » est paru aux éditions L'Esprit Frappeur. L'auteur, Mediba, écrit ceci, page 50, à propos des 2 missiles tirés contre l'avion du président rwandais. La version officielle se borne à constater que l'avion a été abattu par 2 missiles sans préciser le camp des auteurs du tir. Et un seul indice tangible a pour l'instant été fourni sur l'origine des missiles utilisés pour être aussitôt minimisé par celui-là même qui l'avait avancé, l'universitaire belge Philippe Redjens, auteur d'un livre très documenté sur ces 3 jours qui ont fait basculer l'histoire. Les missiles, de modèle SAM-16, série Gimlet, auraient été récupérés par la France pendant la guerre du Golfe sur un stock de l'armée irakienne. Monsieur Rengens, après avoir récupéré un rapport des FAR, forces armées rwandaises, mentionnant les numéros de série des lanceurs trouvés par une patrouille à Masaka, le lieu probable du tir, a obtenu le tuyau d'une source britannique bien informée et affirme avoir pu le recouper par la suite. Curieusement, il ne voit dans cette information inédite aucune présomption particulière que Paris ait pu être impliqué de près ou de loin dans l'exécution du président rwandais. Pourtant, comment expliquer autrement que des missiles ayant appartenu à l'armée française se soient retrouvés au lieu dit Masaka, à proximité de l'aéroport international de Cannon Bay, ce jour d'avril 1994. Alors, des Français étaient-ils réellement impliqués? C'est ce qu'assure en effet cette journaliste belge, Colette Brackmann, dont vient de nous parler Monsieur X. Donc vous aussi, vous pensez que c'était des militaires de ce DAMI qui auraient été les tireurs de missiles? Non. Non, je me suis contenté de vous rapporter les déclarations de cette journaliste belge et de faire un rapprochement avec l'assassinat de nos deux sous-officiers. On peut très bien imaginer que ces malheureux ont été supprimés parce qu'ils savaient quelque chose. On a voulu les faire taire. C'est une possibilité. Ouais. Mais cette journaliste belge a-t-elle produit des preuves sur l'implication du DAMI? De vraies preuves? Non. Non, non, mais plutôt un faisceau d'informations. C'est d'abord un chef de milice Hutu qui lui a affirmé que c'était deux hommes du DAMI qui avaient tiré les missiles. Ce milicien lui a même donné le pseudonyme de l'un d'eux, Étienne. Ouais. Et elle a essayé d'identifier cet Étienne? Oui, oui, c'était bien le surnom d'un des militaires du DAMI qui se trouvait à l'époque en mission au Rwanda. Ensuite, elle a appris qu'un détachement de l'armée rwandaise doté de deux lanceurs portatifs stationnait ce jour-là pas très loin de l'aérodrome de Kigali. Or, d'après un témoin belge, deux des militaires portaient leur béret à la française, et non pas à la rwandaise ou à la belge. Ouais, mais c'était des noirs. Naturellement, mais les Antillais aussi sont noirs. Ah oui. En tout cas, c'est en contradiction avec l'information que vous m'avez donnée tout à l'heure sur cette voiture où se trouvaient des blancs très pressés de quitter les lieux. Pas forcément, le commando aurait pu être mixte. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la première partie de cet entretien. Des conseillers militaires français sont demeurés au Rwanda après le débarquement des casques bleus. Mais d'autres militaires en civil sont également restés. Oui, peut-être, mais admettons que cette journaliste belge ait raison. Pourquoi la France aurait-elle voulu se débarrasser d'un président, Habyarimana, qu'elle soutenait à bout de bras depuis si longtemps? En effet, une objection sérieuse. Mais ces hommes, ces Français, ont peut-être agi de leur propre initiative. Comme des mercenaires? En quelque sorte. Ça faisait des années qu'ils côtoyaient ces Hutus, qu'ils avaient entraînés, ça crée des liens. Une solidarité de frères d'armes. On peut appeler ça comme ça, à moins que... Moins que... Que voulez-vous dire, là? Les accords d'Arusha, ça signifiait la paix au Rwanda. Il y a peut-être des gens qui ne s'en satisfaisaient pas. Ben oui, les Hutus extrémistes. Évidemment, mais à qui profite d'abord la guerre? Aux marchands d'armes. Or, il est certain qu'en provoquant la mort du président Habyarimana, on mettait sûrement le pays à feu et à sang. Et donc, on continuait à vendre des armes. Ouais. Avez-vous des éléments qui plaident en faveur de votre hypothèse? Ben, j'observe simplement que pendant le génocide, les ventes d'armes se sont poursuivies. Et certaines de ces livraisons passaient par l'aérodrome de Goma, au Zaïre. Goma où, dans le cadre de l'opération turquoise, la France va installer une zone humanitaire destinée à héberger les réfugiés rwandais. Oui. Alors vous insinuez que nous aurions pu faciliter ces livraisons d'armes? On peut se poser la question. D'autant qu'une société française établie à Grenoble, je crois, va être très impliquée dans ces ventes d'armes. Curieusement, le patron de cette entreprise ne sera jamais inquiété, alors même que sa société n'est pas accréditée par le ministère de la Défense. Ça veut dire que, clairement, que ces livraisons étaient illégales. Et elles auraient dû faire l'objet d'une enquête suivie à coup sûr d'une plainte. Mais si le dirigeant de cette société, un certain Lemonnier, a eu affaire avec la justice, c'est à l'initiative du capitaine Baril. Encore lui? Oui. Au nom du gouvernement rwandais, celui qui porte la responsabilité du génocide, Baril a porté plainte contre Lemonnier qui aurait escroqué ses clients en ne livrant pas toutes les armes commandées. Mais c'est Lemonnier qui voulait à son tour attaquer le capitaine, est mort opportunément d'une crise cardiaque. Et l'affaire s'est terminée ainsi. Mmh. Une mort suspecte? Je n'en sais rien. Mmh. Je remarque quand même que vous procédez par insinuation. Pensez ce que vous voulez. Je voulais seulement vous faire observer que les livraisons d'armes aux Hutus ont continué bien après le début du génocide. Et que les marchands de canons, dont certains étaient français, n'ont pas eu à souffrir de la mort du président Habyarimana. Bien au contraire. Mmh. Mais quand même, est-ce que les autorités françaises ont, oui ou non, couvert ces livraisons d'armes? Paris a décidé très tôt un embargo sur les armes. Mais le chef de notre mission militaire de coopération avec les Rwandais a longtemps maintenu le contact avec le lieutenant-colonel Kayumba. Or, cet officier était justement chargé des achats d'armes pour les forces Hutus regroupées au sein d'un gouvernement intérimaire. Un gouvernement qui va orchestrer le génocide. Alors, une fois de plus, tirez-en vos propres conclusions. Mais officiellement, comment réagit Paris alors que les premiers massacres commencent? On a l'impression que Paris tarde à prendre une décision. Oui, mais est-ce qu'on mesure l'ampleur du génocide? Oui, car très vite, des associations humanitaires donnent l'alerte. Mais la France se préoccupe d'abord d'évacuer ses ressortissants et aussi la famille et les proches du président Habyarimana. Et parmi eux se trouvent des gens qui n'ont cessé d'appeler à l'extermination des Tutsis. Clairement, ça veut dire qu'on continue d'appuyer les Hutus. C'est l'impression que ça donne. Et fin avril, alors que des centaines de milliers de Tutsis ont déjà été massacrés, des responsables de ce gouvernement intérimaire rwandais sont reçus officiellement à l'Élysée et Matignon. Mais la France n'est pas la seule coupable. C'est toute la communauté internationale qui semble frappée d'aveuglement. Les Nations Unies? Les Nations Unies aussi. Enfin, écoutez bien. Premier acte, le 12 avril. 5 jours plus tôt, 10 casques bleus belges ont été assassinés. Bruxelles décide de rapatrier son contingent, affaiblissant du même coup la mission des Nations Unies. La mine noire qui aurait pu s'interposer et empêcher certaines tueries. Mais qui ne l'a pas vraiment fait. Les massacres ont commencé alors que 2500 casques bleus se trouvaient à Kigali. Deuxième acte, 10 jours plus tard, alors que les rues de Kigali ruissellent de sang. Le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité une résolution prévoyant de réduire de façon significative les effectifs de la MINUA, alors même qu'il aurait fallu la renforcer pour neutraliser les assassins. Mais comment expliquez-vous tout ça, hein? La lâcheté, la peur. Aucun État n'a eu envie d'envoyer ses soldats se faire tuer. En s'interposant? Oui. L'assassinat des 10 Belges a pesé très lourd dans la décision du Conseil de sécurité. Mais ce qui a été déterminant, c'est l'attitude des États-Unis. Les Américains, touchés par l'échec de l'opération Restore Hope en Somalie, n'avaient pas du tout envie d'envoyer des boys au Rwanda. Et puis, sans doute, souhaitaient-ils qu'on laisse faire le FPR. Oui, c'est-à-dire les forces armées Tutsi. Oui. Une intervention internationale aurait certainement gêné leur progression qui était rapide. Or, beaucoup de pays, surtout les pays anglo-saxons, souhaitaient à l'évidence la victoire du FPR. Oui, mais pendant ce temps-là, les Hutus continuent à massacrer. C'est vrai, mais ainsi est faite la politique des États. Oui. Mais si le Conseil de sécurité a pris cette décision à l'unanimité, ça signifie que la France aussi a approuvé la réduction des effectifs de la MINUAR. Malheureusement. Et autre initiative regrettable, enfin à mon avis en tout cas, quelques jours plus tard, toujours au Conseil de sécurité, notre représentant s'oppose à ce que le massacre des Tutsis soit qualifié de génocide. Je crois me souvenir que très peu de temps après, cette position changera. Oui, mais pourquoi avoir tant tardé alors que nous savions la vérité? En 1998, une mission parlementaire française a enquêté sur les événements rwandais et l'implication de la France. Le journal Le Monde du 17 décembre 1998 analyse le rapport parlementaire rédigé par cette mission présidée par l'ancien ministre de la Défense, Paul Quilès. J'en extrais ceci. La reconnaissance d'un génocide commis à l'encontre des Tutsis au Rwanda après le 6 avril 1994 s'impose comme une évidence. Tout concorde pour dire que l'extermination des Tutsis par les Hutus a été préparée longtemps à l'avance. L'ambassadeur Georges Martre a estimé que le génocide était prévisible dès octobre 1993, sans toutefois qu'on puisse en imaginer l'ampleur et l'atrocité, ajoutant que le génocide constituait une hantise quotidienne pour les Tutsis. Avec une telle clairvoyance qui n'apparaît pas aussi clairement dans les télégrammes diplomatiques, on ne peut que s'interroger sur l'inaction de la France pour prévenir le génocide par des actions concrètes, souligne le rapport. Enfin, je vous signale que Colette Brackmann, la journaliste belge dont M. X a évoqué plus haut l'enquête, a publié un livre, Rwanda, histoire d'un génocide, aux éditions Fayard. En fait, ce qui apparaît clairement, c'est que la France a trop longtemps refusé de cesser de soutenir ses traditionnels alliés. Les Hutus. Alors, elle a une part de responsabilité dans le génocide? On ne peut que le regretter. Il y aura quand même un changement de cap. Vous voulez parler de l'opération turquoise? Ben oui. Mais de longues semaines se seront écoulées et peu à peu, la communauté internationale aura pris la mesure de l'événement. À la mi-mai, par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies fait volte-face. Il est décidé d'envoyer plus de 5000 casques bleus au Rwanda. Avec des Français? Non. Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, juge, non sans raison, qu'après tant d'années de coopération avec les Hutus, notre participation serait mal vue par les Tutsis du FPR. Oui, c'est vrai que ça paraît évident. Hein. D'autant que les forces armées du FPR sont sur le point de s'emparer de la capitale, Kigali. Elles occupent déjà l'aéroport. Ce contingent de l'ONU va réellement partir au Rwanda? Non. Beaucoup de pays sollicités pour fournir des troupes tergiverses. Et malgré le vote du Conseil de sécurité, les principales puissances ne semblent pas désireuses de s'engager. De longues semaines sont encore perdues. Et soudain, à la mi-juin, François Mitterrand prend la décision de faire intervenir nos troupes et de monter une opération humanitaire. Pour pallier les hésitations de l'ONU ? Oui, pour lui, il y a urgence. C'est même une question de... Après toutes ces semaines perdues, hein, car il y a maintenant plus de 2 mois que le génocide a commencé. C'est exact, 2 mois et demi. Alors pourquoi cette hâte soudaine ? Je crois qu'il faut reconnaître au moins cela à Mitterrand. Les nombreux rapports qu'il a reçus sur le génocide rwandais ont dû le frapper, peut-être même le bouleverser. Il considère donc que notre pays doit en quelque sorte sauver l'honneur de la communauté internationale et prendre la décision d'agir. Mais il y a peut-être d'autres raisons, comment dirais-je, moins avouables ? Oui, de plus en plus, la France est accusée d'être responsable du génocide. Par qui ? Les organisations humanitaires, des journalistes belges. Par conséquent, en organisant tout seul une opération humanitaire, notre pays veut redorer son blason. Et effacer surtout ses fautes passées. En effet, mais certains esprits critiques invoqueront une autre raison. L'opération turquoise n'aurait eu pour but que de permettre aux Hutus d'échapper à leurs ennemis Tutsis. Bref, la France aurait agi pour préserver de la déroute et de la prison les responsables du génocide. Sur quelle base on a établi cette construction ? Je vous explique. Lorsque les soldats de Turquoise arrivent au Rwanda, via le Zaïre, les tueries de masse ont presque cessé. Bien sûr, ils vont sauver de nombreuses vies Tutsis, surtout dans le sud du pays. Mais l'essentiel de leur travail va consister à prendre en charge la population Hutu qui fuit devant l'avance du FPR en la conduisant dans des camps installés à la frontière zaïroise. Or, parmi cette population en fuite se cachent des assassins. Bien entendu. D'accord, mais enfin, nos soldats, là, pouvaient-ils faire la différence entre les innocents et les victimes ? Certains, peut-être. Pourquoi ? Nombreux parmi ces militaires étaient des anciens de l'opération Norwa. Ils connaissaient donc les militaires et les miliciens rwandais puisqu'ils les avaient entraînés. Or, c'étaient les assassins. Hein? Oui, les assassins qui racontaient d'ailleurs bien volontiers les massacres auxquels ils avaient pris part. Ces aveux pouvaient être dangereux, non ? Sans doute. Monsieur Hutu avait une entière confiance dans nos soldats tant qu'ils étaient persuadés que la France les avait envoyés pour les sauver et combattre les Tutsis. Quand nos soldats arrivaient dans les villages Hutus, ces derniers criaient « Vive Mitterrand !» C'est-à-dire qu'ils pensaient toujours que la France était leur alliée. Et ça en dit long sur notre implication dans ce drame. Même quand ils assassinaient, ils pensaient être approuvés, sinon soutenus par notre pays. Je dois dire que cette opération turquoise sera un grand choc pour beaucoup de nos soldats. Et parce qu'ils ont découvert l'ampleur des massacres ? Certainement. Il y avait des cadavres partout, c'était horrible. Mais ces militaires qui avaient déjà séjourné au Rwanda, qui avaient donc fraternisé avec les militaires rwandais, se rendaient surtout compte qu'ils avaient contribué à former des tueurs. Et ils se sentaient responsables. Je le crois, oui. Même si, en l'occurrence, ils n'avaient fait qu'obéir aux ordres de leurs supérieurs, qui eux-mêmes appliquaient les consignes de Paris. Mais vous, franchement, pensez-vous que l'opération turquoise, opération humanitaire, n'est-ce pas, dissimulait une volonté de soustraire nos anciens alliés à la vengeance Tutsi ? La tentation a dû exister, car les dirigeants Hutus qui se sont échappés grâce à l'intervention française pouvaient être aussi des témoins très gênants. Ouais, très gênants pour la France. Naturellement. Il n'était donc pas inutile de permettre aux plus voyants d'entre eux de se cacher. Mais je dois à la vérité de dire que d'autres sont allés encore plus loin. D'autres esprits critiques, oui. Mais qui Des cercles hostiles à la présence française dans cette partie de l'Afrique, par exemple. Ces gens-là prétendront que le véritable objectif de l'opération turquoise était en fait de barrer la route aux troupes du FPR et de les empêcher de conquérir tout le Rwanda. Qu'en pensez-vous ? Je ne crois pas à cette théorie du paravent. Une opération humanitaire dissimulant une opération stratégique. Et pour une bonne raison. Quand l'opération turquoise démarre et devient véritablement opérationnelle, les Hutus sont déjà pratiquement vaincus. Ouais. Il était donc trop tard pour s'opposer militairement aux Tutsis du FPR ? J'en suis persuadé. En outre, il a vraiment fallu faire de l'humanitaire, comme on dit aujourd'hui, parce que les Hutus ont fui en masse leur pays et que la situation est devenue rapidement catastrophique dans les camps de réfugiés installés au Zaïre, à Goma et à Bukavu. Et la France, aidée par les ONG présentes sur place, a dû parer au plus pressé. Songez qu'à un moment, on comptait 5000 morts par jour dans les camps. Donc on ne peut pas nier l'aspect humanitaire. En aucun cas. Puis réfléchissez, que se serait-il passé si nos soldats n'avaient pas pris en charge tous ces réfugiés ? Ils auraient risqué d'être massacrés à leur tour par les vainqueurs, c'est-à-dire des Tutsis désireux de venger leurs frères assassinés. Alors, fallait-il ne pas les prendre en charge au prétexte que parmi eux se trouvaient des tueurs ? Je ne le pense pas, non. Mais à partir du moment où ils se trouvaient dans des camps de réfugiés, on pouvait trier le bon grain de l'ivraie, si je puis dire. Est-ce que ça a été fait ? Pas vraiment par les Français. Il faut reconnaître que nous ne serons pas parmi les plus zélés à fournir informations et documents au tribunal pénal international qui sera installé à Rochard. À cause du passé. Probablement. De la même façon, la France ne se pressera guère de reconnaître ses responsabilités. Vous le savez, la mission parlementaire de 1998 soulignera l'aveuglement et les incohérences de notre action au Rwanda. Mais elle déniera toute responsabilité de la France dans le génocide, ce qui semble quand même un peu paradoxal. D'autres pays ont reconnu leurs erreurs dans cette affaire ? Les Belges ont été les premiers. Ils ont mis en évidence que dès le printemps 92, c'est-à-dire 2 ans avant le génocide, des informations précises leur étaient parvenues qui faisaient état de la préparation programmée de l'extermination des Tutsis. Pendant ce temps-là, nous entraînions les futurs assassins. Oui, ouais. Même les Américains ont fait leur mea culpa. Ils ont admis, par la voix de Madeleine Albright, qu'ils avaient tout fait pour que le mot génocide ne soit pas employé devant le Conseil de sécurité. En effet, si le génocide avait été reconnu, l'intervention internationale aurait été automatique. Ils se reconnaissent donc une part de responsabilité. Absolument. Alors pourquoi pas la France qui était autrement impliquée? Mais pour finir, je voudrais vous signaler une coïncidence qui m'a toujours turlupiné, si vous me passez cette expression. Bien volontiers. De quoi s'agit-il ? L'attentat contre Habyarimana a eu lieu le 6 avril 1994. Ouais. 24 heures plus tard, le conseiller de François Mitterrand, François de Grossouvre, se suicidait dans son bureau de l'Élysée. Ah oui, mais pensez qu'il pourrait y avoir un lien ? Disons que je m'interroge. On m'a dit que Grossouvre connaissait très bien Juvénal Habyarimana. Monsieur X n'a pas voulu en dire plus. Un jour, peut-être. Je me dois signaler qu'en avril 2000, Jean-Pierre Mugabe, un ancien officier de renseignement Tutsi du FPR, a accusé le général Kagame, actuel chef de l'État du Rwanda, d'avoir commandité l'attentat contre le président Habyarimana. Selon lui, le chef militaire du FPR aurait choisi la politique du pire pour s'emparer du pouvoir, le pire étant bien entendu le génocide de ses propres frères. Mais cette thèse laisse sceptique beaucoup d'africanistes. Enfin, je ne peux pas ne pas signaler la passionnante série d'articles de Patrick de Saint-Exupéry, parue en 1998 dans le journal Le Figaro. Et j'en extrais ce témoignage. Un officier de gendarmerie du GIGN arrive à Bicécéro, au sud du pays. Là, pendant 2 mois, les Tutsis ont été pourchassés comme du gibier. Une colline est encore jonché de cadavres. Et soudain, contemplant ce terrible spectacle, le gendarme se met à pleurer. Patrick de Saint-Exupéry explique. L'officier du GIGN avait effectivement craqué. Mais ce n'était pas les cadavres, ni la violence de la chasse à l'homme qui s'était déroulée ici, et encore moins les récits des rescapés qui l'avaient fait basculer. Entraîné, il pouvait affronter cela. En revanche, rien ne l'avait préparé à affronter le sentiment de culpabilité qu'il éprouvait à Bicécéro. Car, expliqua-t-il, l'année dernière, il avait entraîné la garde présidentielle rwandaise. Autrement dit, il avait formé, lui, le soldat, l'homme de devoir, des tueurs. Indirectement, il venait de participer à un génocide, et cela, il venait de le comprendre, d'où le terrible choc, d'où cette scène effrayante. Enfin, je rappelle le titre de l'ouvrage de Pascal Krop, Silence on tue, publié chez Flammarion. L'auteur y consacre un chapitre entier à la tragédie rwandaise et au rôle de la France.